que déambule. Tout se déroule. Je tire le fil et je vacille. À quoi je joue? Je sais plus du tout. À quoi je sers? J'irai en enfer. Je suis sûre de ce bruit. Ma mère me l'a dit. Amasse l'oseille et les caramels. Je veux du goût entre nous. Je veux de l'amour qui pèse lourd. On se taille une belle tranche de vie dans tous les hôtels, dans tous les lits. On se fait la belle pas loin d'ici. Qui t'a trouvé le paradis? Le paradis? Le paradis? Le paradis? Le paradis? Lâche les ceintures, arrache mes murmures. Je roule au sol, j'écris en bémol. À quoi je joue? Je sais plus du tout. À quoi je rêve? J'ai besoin d'une terre. Je suis sûre de vous à tous les coups. Amène tes chaînes, attire-moi sans peine. Je veux de l'amour qui pèse lourd. Une belle tranche de vie dans tous les hôtels, dans tous les lits. On se fait la belle pas loin d'ici. Qui t'a trouvé le paradis? Le paradis? Le paradis? Le paradis? Le paradis.